17 ans, j'avais connu une très belle fille qui s'appelait Achoussou. Je ne sais pas si je vais la revoir un jour. Les années ont passé, mes pluies sont tombées, mes faux soleils habillés, mon cœur n'a pas changé. À Abidjan, il y a 17 ans, j'avais connu une très belle fille qui s'appelait Achoussou. Je ne sais pas si je vais la revoir un jour. Mes pluies sont tombées, mes fois soleil habillé, mon cœur n'a pas changé. nanga ya kala mama o otumo lingai ota nanga ya kala mama o moi tu caché à dessous mama la rompe à cause de toi ozongi singai pasi nanga ya kala mama o otumo lingai ota nanga ya kala mama o Adama Sangare, aide-moi à revoir la Jusu. Ozongi singai, pasi na ngaya kala mama o. Otumo lingai, pota na ngaya kala mama o. Nene ongonga, envoie-moi la billet de Rafik. Ozongi singai, pasi na ngaya kala mama o. Otumo lingai, pota na ngaya kala mama o. Singai, pasi na ngaya kala mama o. Otumo lingai,